depuis que tu es parti. Moi, je reste seul ici. Et aujourd'hui encore, il pleut dehors. Si tu voyais comme tu me manques, si tu me voyais chialer dans ma planque, et je pense à toi, et j'attends encore un mois, et je me disais que tu étais tout pour moi, et que peut-être je ne le savais, je ne le savais pas. Et je me dis que tu es tout pour moi, et que peut-être je ne le sais, je ne le sais pas. Le ciel est sans étoiles, et la lune est froide, il n'y a personne avec Je suis seul et j'attends un mois. J'aimerais que tu reviennes, que cette douleur s'achève, que tu reviennes, ma reine. Je suis un prince et j'ai froid. Je suis seul ici et j'attends le retour de ma vie. Je me blottis contre mon cœur, mais il n'émet plus aucune chaleur. Et je me disais que tu étais tout pour moi, et que peut-être je ne le savais, je ne le savais pas. Et je me dis que peut-être tu es tout pour moi, et que peut-être je ne le sais, je ne le sais pas. Moi, j'en demande pas beaucoup. Ton retour, c'est tout. J'aimerais reprendre ma vie là où nous l'avons laissée. Sans toi, je ne peux être heureux. Sans toi, je n'aime plus rien. Je t'en prie, mon amour, reviens. Reviens-moi vite. Reviens-moi vite. Reviens-moi vite, reviens-moi vite, reviens-moi vite. et je me disais que tu étais tout pour moi et que peut-être je ne le savais. Et je me dis que tu es tout pour moi et que peut-être je ne le sais. Peut-être je ne le savais, je ne le savais pas. Et je me dis que tu es tout pour moi et que peut-être je ne le sais pas. Je ne sais pas, je ne le sais pas. Tu es tout pour moi.